L'année douloureuse, suivie de L'étoile entre les peupliers, par Edmond Rostand, enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. L'année douloureuse, 1916. Donc, mon pays est en danger. Mon père est mort. Ma mère est morte. J'ai murmuré, c'est trop, car le cœur n'est pas fort. Mais l'âme est forte. J'ai compris. J'ai cessé de demander pourquoi ce que je pleure avait, pour s'enfoncer dans le sol devant moi, choisi cette heure. Car plus farouchement, comme le pain léger de ces collines, je tiens à cette terre où je viens de plonger mes deux racines. L'étoile entre les peupliers, 1917. Un catéchisme en moi, ce dialogue à voix basse, j'écoute. Qu'est-ce que la France? C'est la grâce. Dans quel sens prenez-vous ce mot? Je prends ce mot dans son sens le plus doux comme dans le plus haut. La grâce, c'est le charme, et la grâce est encore un don du ciel par quoi l'âme se corrobore. Le monde n'ayant pas la France, aurait-il eu la possibilité de faire son salut? Non, puisqu'elle est la grâce, il ne peut rien sans elle. Qu'entend-on lorsqu'on dit qu'elle est spirituelle? Quel est le souffle, au sens où l'apôtre le prie? Elle est tous les esprits, d'ailleurs étant l'esprit le plus farouche et le plus fin. C'est le mystère de mon pays que seul son peuple sur la terre sache à la fois sourire et s'enthousiasmer. Comment faut-il servir la France? Il faut l'aimer. La douce France est-elle encore douce? Elle est dure chaque fois qu'il le faut pour que sa douceur dure. Et jamais son épée injustement n'a lui. Non. Qu'est-ce qu'un Français? Un Français est celui qui, né libre, voudrait délivrer tous les hommes. Est-il dupe en cela? Dupe, nous ne le sommes que lorsque nous craignons la générosité. Où donc en serions-nous si nous n'avions été combattre follement pour des indépendances? Nous ne fûmes profonds que dans nos imprudences. Rien ne nous a jamais servi que notre cœur. L'amour du genre humain n'aura plus un moqueur. Faut-il que cet amour se concentre ou s'épanche? Et comment aimez-vous l'humanité? La branche n'aime le sol qu'à travers l'arbre, et je ne puis aimer l'humanité qu'à travers mon pays. Vous dites mon pays, toujours, mais je vous prie, est-ce pour éviter de dire ma patrie? Il est vrai que je veille à prononcer très peu le plus beau nom qui soit après celui de Dieu, puisque dans ce seul nom, c'est tous les morts qu'on nomme. D'une telle parole, il faut être économe, car l'oreille et les yeux l'usent en l'adorant, pas plus que le drapeau ne passe à chaque rang. Ce mot-là ne peut être écrit à chaque ligne, et pour graver ce mot d'une pudeur insigne, on a toujours choisi l'envers des croix d'honneur, parce qu'il doit rester tourné contre le cœur. Ce pays se bat-il comme au vieux temps des princes pour des provinces? Il se bat pour deux provinces, sans cesser un instant derrière elles de voir tous les fronts sur lesquels le sort mit un nœud noir. Qu'est-ce que doit le monde à la France immortelle? Le monde lui doit tout, et le sait. Pouvait-elle mourir? Oui, cette fois, elle aurait pu mourir, car pour donner le temps au monde d'accourir entre ses bras mordus, elle tenait la bête. Quelle auréole a-t-elle à présent sur sa tête? La plus belle, celle qui tremble autour des feux quand nous les regardons des larmes dans les yeux. Quelle est la preuve de ce peuple et son miracle? Un chant mystérieux. Que fut ce chant? L'oracle, puisqu'il nous annonça le jour de gloire. Il fut la chanson de la Vierge assise sur l'affût. Il fut, dans nos clairons, l'espoir humain qui gronde notre chant. Maintenant, qu'est-il? Le chant du monde, le cantique des nations. Que sera-t-il? Né sur un violon dans une nuit d'avril, quand il n'y aura plus de tyrans ni de hordes, il sortira du cuivre, et rentrant dans les cordes, il ne chantera plus en accents purs et longs que dans les nuits d'avril et sur des violons. Puisque tout son destin maintenant se dévoile, quel est le signe de la France? C'est l'étoile entre les peupliers. Pourquoi les peupliers plutôt que les lauriers? Parce que les lauriers sont au jardin d'Orgueil, un groupe noir qui reste, mais eux, des sorts sublimes et d'essence modeste, préfèrent, chuchotant l'espoir aux pas humains, accompagner la marche en longeant les chemins. Avez-vous de ce choix une raison plus forte? Jadis, le peuplier s'appelait peuple. Morte, sa branche sait revivre et se multiplier. Plantez au bord d'un champ des pieux de peupliers, et la barrière deviendra, sans qu'on y pense, un rideau frémissant et vert. Telle est la France. Quelle est l'histoire des peupliers de Saint-Prix? Les Allemands, fuyant et craignant d'être pris, les coupaient, espérant nous arrêter sans doute. Mais au lieu de tomber en travers de la route, les peupliers français, qui sont intelligents, tombaient sur les côtés, laissant passer nos gens. Que murmure aux marcheurs cet arbre avec sa feuille? L'éternel mot français, le seul que l'homme veuille, c'est celui qui fut dit par Monsieur Lestocquois avant l'assaut de Mondement, et c'est pourquoi l'arbre le redira sans cesse aux marcheurs graves. Plus qu'un coup de collier, et ça y est, mes braves. Et ça y est, jamais ça n'y est qu'à peu près, mais à recommencer nous sommes toujours prêts. On croit qu'on ne peut plus, on peut. Telle est la France. Qui sera le vainqueur? Celui qui recommence, celui qui se dénigre afin de faire mieux, le modeste mettra le pied sur l'orgueilleux. Le beau peuple, toujours mécontent de lui-même, battra le peuple affreux qui s'admire et qui s'aime. Car, grâce à cette guerre, enfin on s'aperçoit que c'est être vaincu que d'être sûr de soi. N'en pas être content, n'est-ce donc pas le doute? Non, c'est la foi dans tout ce que l'effort ajoute. Versailles ne devient un chef-d'œuvre éclatant que parce que le roi n'en fut jamais content. Quelle est la sainte de la France? Est-ce encore Jeanne? C'est elle, c'est toujours la même paysanne qui laissait la quenouille autrefois pour les stocks. Elle quitte aujourd'hui le fuseau pour le soc. Et l'archange, est-il là? Toujours, mais son nom change. Comment appelait-on autrefois cet archange? Monseigneur Saint-Michel du péril de la mer. Comment s'appelle-t-il aujourd'hui? Guynemer. Quels sont ceux qui nous ont sauvés? Toujours les mêmes. Qu'entendez-vous par là? J'entends, maigres et blêmes, toujours les mêmes qui, de la même façon, marchant, creusant la terre et combattant, se sont habitués à nous sauver depuis Bouvines. Sur leur front aujourd'hui, plein de sueur divine, la couronne de ronces est en fil barbelé. Comment s'appellent-ils? Ils se sont appelés de tous les noms que jette au sans-nom la bataille, enfants perdus d'abord, puis gens de pied, piétaille, pédaille, pionnier, pion. Groupés au son du corps, ils se sont appelés enfants perdus encore, compagnons et routiers, ménadiers et maheutres, piquichins. Ils se sont sous les bérets, les feutres, les casques, les malheurs, les coups et les fardeaux, appelés les vétos, les pitots, les bidots, les goujats. C'est le vil troupeau, le tas vulgaire des tristes paysans que l'on traîne à la guerre. Contre des cavaliers venus, on ne sait d'où, ils portent l'arbalète et le sac d'amadou. Et sous l'œil du baron, montant sa jument brune, l'enfant perdu devient l'enfant de la commune. Il s'appelle le franc archer. Le franc archer, à force de lancer sa flèche et de marcher et de creuser sa taupinière avec sa pelle, devient le franc taupin. Et puis on les appelle les brigands, les piquiers, enfants toujours perdus. Et ces enfants perdus qui nous ont défendus, à coups de faux, à coups de serpe, à coups de rouge, à force de porter du drap brun, du drap rouge, du drap bleu, de laisser de leur chair aux buissons d'acier, de se meurtrir sur les caparaçons des chevaux, d'opposer au poitrail la poitrine, de s'accouder, rêveur, sur une couleuvrine pour écouter la sainte à qui parlent des voix, épurée par Bayard, ordonnée par Louvois, le cœur grossi de tout le pays qu'on s'ajoute, en chantant des chansons ensemble sur la route, se redresse. La bande, au sourd piétinement, commence à cadencer le pas du régiment. Champagne, Picardie, Artois, sous l'œil du prince, l'enfant perdu devient l'enfant de la province. Puis, racolé de force, il prend goût au métier. Mais de sang, jardinier toujours ou forestier, s'appelle la ramée encore ou la tulipe, s'assied sur un tambour pour fumer une pipe, poudrer son catogan ou recoudre un bouton, et relevé soudain par la voix de Danton, bondit. L'enfant perdu se perd dans les fumées, devient le fantassin de nos 14 armées. Fantassin, ce mot-là vient d'enfant, et voilà que sous l'hymne enflammé, qui tout d'un coup vola, l'enfant perdu devient l'enfant de la patrie. Enfant, c'est de ce mot que vient infanterie. C'est elle, ce sont eux, guêtres, pieds nus, sabots, ils marchent sans culotte ou grognard, ils sont beaux. Bonnet rouge ou bonnet à poil, tête pareille, gardant du paysan l'anneau d'or aux oreilles, et du grognard sort le briscard, et du briscard sort le lignard. Le bidon teinte sur le corps, et chaque section de pointe hérissée semble sur les labours la herse renversée, et la colonne marche et ne s'arrête pas. Le cœur s'ajoute au cœur, le pas s'ajoute au pas. Et cette magnifique addition marchante de souffrance qui rit, de fatigue qui chante, finit par faire le troupier. Et le troupier fait l'humble tourlourou, triste et traînant le pied, qui, grossi du moblot dans un hiver atroce, fait le pousse-caillou, qui fait le fantabosse, qui fait le marche-à-terre et qui fait le bifin, lequel dans la sueur et dans la boue, enfin, fait la somme de tous ces hommes. Et la somme de tous ces hommes, quelle est-elle? Le bonhomme. Et que fait le bonhomme, une fois résolu à devenir mauvais par bonté? Le poilu. Qu'est-ce que le poilu? L'homme total en marche. Vers quoi? Vers ce qui luit sur la crèche ou sur l'arche? D'où vient que le poilu porte, en plus d'un fusil, un gros bâton noueux dans la forêt choisie, et sous le sac de cuir des besaces de toile? C'est afin qu'à travers les peupliers, l'étoile sache bien que vers elle il veut se diriger, et dans chaque soldat reconnaisse un berger. Ce mot poilu peut-il nous plaire? Il doit nous plaire. Pourquoi? Parce qu'il est grondant et populaire, et qu'il sent à la fois le pauvre et le lion. Que devons-nous à ceux qui, sans rébellion, ni de chair ni d'esprit, furent pour nous se battre? Nos devoirs, envers eux, sont au nombre de 4. Les envier en nous rongeant pour inventer des moyens de souffrir aussi. Les assister sans mesure. Les admirer avec tendresse, en racontant, dès qu'ils ne sont pas là, sans cesse les choses dont jamais aucun d'eux ne parla. Les respecter en nous taisant quand ils sont là. Que devons-nous, ô morts? Rendre leur mort féconde, et pour qu'ils n'en soient pas d'oubliés en ce monde, grouper chacun les noms dont nous nous souvenons, et ne pas vivre un jour sans réciter ces noms. Comment sera tissé l'avenir de justice? Entre les peupliers, l'étoile blanche tisse le songe des marcheurs douloureux et pliés. Plus qu'un coup de collier, disent les peupliers. Et vous y êtes. Plus qu'un seul, et nous y sommes, soupirent, plus humains à chaque pas, les hommes. Mais dans leurs poings trop durs et sur leurs fronts trop lourds, n'est-ce donc plus le casque, et n'est-ce pas toujours la baïonnette? C'est la baïonnette, encore, mais qui sert, cette fois, à tisonner l'aurore, et c'est le casque, mais il est bleu. De quel bleu? D'un bleu que je me dis, dans mon cœur. Dites-le. Où fleurit le droit? Où lui, la raison, c'est dans un endroit nommé l'horizon. Le présent, pesant. Le passé, glacé. Laisse le présent, quitte le passé. Bleu de l'avenir, seul bleu dans lequel on croit voir s'unir la terre et le ciel. Ce bleu violet, c'est celui, je crois, que Jésus voulait derrière sa croix. Brise ton amour. Brûle ta maison, s'il tombe un seul jour caché l'horizon. Qu'un peuple d'hier meure pour demain, c'est à rendre fier tout le genre humain. Edmond Rostand.